devient dur, ça devient dur, ça devient dur, ça devient dur, ça devient dur et pesant. Cette époque me vénère, me fout la haine, moi y'a pas de secret, moi je vais pas me cacher. Y'a beaucoup de choses, me foutent les spells, ça se fout de ta gueule. Ils nous prennent pour des bêtes et font tranquille leurs affaires et nos semaines. On frotte sur le terre, derrière y'en a qui se noient dans la bouteille et d'autres qui pètent des câbles. Je me sens lique avec mon micro, entre les lignes tu pourras lire. J'ai l'écro pour la forme de ma vie, moi je dois pas le temps des fraises. Moi je commence à voir mes rêves depuis tout petit, ouais je subis. Ça devient dur, moi je suis pas la tendance, moi je m'en prends de vos ambiances. Ça s'appelle quand je renonce par les chars, ça devient dur. Le temps file trop vite, que je confonds le jour et la nuit. Ça devient dur, faut que j'essuie les fractures, ça devient urgent. J'ai plus le temps, il me faut de l'argent, il faut de l'argent. Ça devient dur, le temps passe trop vite, que je confonds le jour et la nuit. Ça devient dur, il faut que j'essuie les factures, ça devient urgent. J'ai plus le temps, il me faut de l'argent, il faut de l'argent. Ça devient dur, on nage dans la merde, comment veux-tu qu'on avance. Le ciel est gris, les rues sont sombres, le temps passe. J'écris partout de tous les rues, entouré par les femmes, à croire que j'ai signé un pacte avec le chétan. J'ai mal le mal à travers mes feuilles. J'suis sorti avec un piquet de fleurs et un rap en guise de fusil. Beaucoup de choses sont différentes depuis la disparition du front. Trop de mauvais tournants, de mauvaises nuits où je pense à ce qui me reste, à tout ce que j'ai perdu. Rien ne vous remplace, ça c'est sûr. On avance dans l'incertitude. Vois-tu pas mon ceinture, j'entends dire que c'est l'époque qui est dure. Si j'écris, c'est j'en ai besoin, alors cherche pas. À chaque texte, c'est une partie de ma vie. Tous les jours, un souci finit par une rupture. On se torture, on sait sous cette vie m'a rendu asthmatique. J'oublie pas tout ce que j'ai perdu. À chaque chose de pire, on se dit pourvu que ça dure. On se dit pourvu que ça dure. À chaque chose de pire, on se dit pourvu que ça dure. Ça devient dur, le temps file trop vite, que je confonds le jour et la nuit. Ça devient dur, il faut que j'essuie les factures. Ça devient urgent, j'ai plus le temps, il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent, ça devient dur. Le temps file trop vite, que je confonds le jour et la nuit. Ça devient dur, il faut que j'essuie les factures. Ça devient